إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخي بسم الله بارك الله فيك. Donc on continue, on est aujourd'hui au cours 19 dans l'explication de Masa'il al-Jahiliyyah. Donc c'est le sharh de Masa'il al-Jahiliyyah du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et au dernier cours, on avait terminé en lisant les trois versets que le Cheikh avait mentionnés, qui sont des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés au sujet des gens de la Jahiliyyah qui nient al-Qadar, qui nie la prédestination. Donc les trois versets en question, le premier verset c'est dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » وفي sourate Al-Nahl وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وفي سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Donc le Cheikh il mentionne trois versets. Le premier verset c'est dans sourate Al-An'am, verset 148. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ceux qui ont fait le shirk, qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent: et si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait de shirk, on n'aurait rien associé avec lui dans l'adoration, ni nous-mêmes ainsi que nos parents, et on n'aurait rien rendu d'illicite ou de haram. Le verset 35 dans sourate Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans: وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, et ceux qui ont commis le shirk, ils disent: si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, nous n'aurions pas adoré d'autres en dehors de lui, ni nous-mêmes et ni nos ancêtres avant nous, et on n'aurait rien interdit en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit lui-même. Ça c'est le verset 35 dans sourate Al-Nahl et le verset 20 dans sourate Al-Zukhruf. Et ils ont dit: et si Allah aurait voulu, nous ne les aurions pas adorés. لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Ça c'est des shubuhat des gens de la jahiliya, des mushrikin, qui mentionnaient ces paroles-là pour essayer soit de nier le qadar, ou soit de justifier leurs actions par la prédestination, justifier leurs péchés par la prédestination, en disant comme par exemple que s'ils ont commis le shirk, c'est parce que c'est Allah qui l'a voulu, et si Allah n'aurait pas voulu, il ne l'aurait pas fait. Hein? C'est comme si quelqu'un aujourd'hui dit: bon, j'ai volé, c'est parce qu'Allah a voulu que je vole, si Allah n'aurait pas voulu, je n'aurais pas volé. Bien entendu, ça c'est des faux arguments. Puis le shirk il va expliquer donc comment certains ont expliqué parmi les ulama de tafsir, comment ils ont expliqué ces deux versets-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le Cheikh dit: wal ulama ou fi tafsir hadhihi al-ayat ala qawlain. Al-qawl al-awwal, anna al-murada bi qawlihim law sha'a Allah nafi al-qadr. Yaquluna law kana lillahi mashi'a ma tarakna na'mal hadhihi al-ashya'. Faqasduhum nafi al-qadr. وأنهم هم الذين يفعلون هذه الأشياء بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى فنفوا القدر وأضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم واستقلالهم فيكون هذا نظير مذهب المعتزلة تماما، لأنهم يقولون ليس لله مشيئة في الكفر والإيمان والخير والشر، وإنما هذا من صنع العباد. فيكون المعتزلة قالوا بقول أهل الجاهلية. Donc le cheikh il dit que les ulama ils ont expliqué ces versets là qu'on a mentionné de deux façons. Donc ils ont deux façons d'expliquer ces versets. La première position c'est que lorsque il mentionne lausha Allah, si Allah aurait voulu, comme le verset 148 dans sourate Al-An'am, si Allah aurait voulu, ils veulent dire par là la négation de la prédestination. Ils veulent dire par là que il nie que Dieu a prédestiné quoi que ce soit. Ok? Et donc, ils disent comme par exemple que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait une volonté, il ne nous aurait pas laissé faire ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire par là la négation de la prédestination. Parce qu'ils nient la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de ces choses-là en particulier. Et ils disent وَأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Ils prétendent que ce sont eux-mêmes qui font ces choses-là sans que ce soit voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. بِدُونِ مَشِئَةِ اللَّهِ. Ok. Donc ça implique quoi? Ça implique la négation de la prédestination. Ils ont attribué ces actes-là qu'ils ont faits à eux-mêmes de manière indépendante. Comme si en voulant dire, on fait qu'est-ce qu'on fait comme acte, mais c'est indépendant d'Allah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, on le fait indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce qu'ils disent, c'est exactement la position de la secte qu'on appelle la secte des Mu'tazila, parmi ceux qui se prétendent musulmans. Ils s'appellent des Mu'tazila. Et un de leurs principes, ou un de leurs fondements, parmi leurs cinq fondements, c'est la négation de la prédestination. Ok? Et donc, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de volonté en ce qui concerne la mécréance ou la foi, ou le bien ou le mal. C'est uniquement, ça fait uniquement partie des actes des hommes, et des actes des serviteurs eux-mêmes. Donc, on peut dire, dans ce cas-là, que la position des Mu'tazila et la parole de la secte des Mu'tazila est en réalité une parole des gens de la Jahiliya. Hein? C'est une parole des mushrikines, qui font partie des gens de la Jahiliya. Donc ils ont pris cette bid'a, cet égarement, et cette croyance qu'ils ont, l'origine de cette croyance, elle est des gens de la Jahiliya et des mushrikines, qui niaient la prédestination. Et il y a une autre explication également des ulama, le cheikh dit « Al-qawlu thani, anna al-murada biqawlihim law sha'allahu ma ashrakna » أي أن الله جل وعلا راض عن أفعالنا هذه، لأنه لم يتركنا نعمل هذا، فيكونون يؤمنون بالقدر، ولكن يحتجون به على تسويغ كفرهم، بل يبلغ الأمر إلى أن يقولوا إن هذا طاعة لله، لأن الله شاء. ونحن أطعنا مشيئته وأطعنا قدره. Donc la deuxième explication, la deuxième position de ces gens-là, c'est quoi? C'est ils prétendent que lorsque ils disaient لو شاء الله ما أشركنا, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas commis le shirk. Ils veulent prétendre par là que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce qu'ils ont fait. Hein? C'est comme si quelqu'un il disait aujourd'hui. Si Allah n'aurait pas voulu, si Allah n'aurait pas voulu, je n'aurais pas volé. Hein? Comme s'il prétend par là que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de l'acte qu'il a commis en volant. Parce que Allah a voulu que cet acte se produise. Hein? Et c'est là qu'il est important de comprendre la distinction ou de faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre al-irada al-kawniya et al-irada al-shar'iyya, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a prédestiné, dans ce qu'il a créé dans l'univers, qui comprend ce qui est bon et ce qui est mauvais, qui comprend ce qui est halal ou ce qui est haram, et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est reliée à sa législation et à sa révélation. et qui comprend uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et ce qu'il a révélé dans sa révélation par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes. Alayhim as-salatu was-salam. Donc, lorsqu'on distingue entre ces deux formes de volonté-là, alors on arrive à comprendre pourquoi il y a dans l'univers des choses qui se produisent qui sont contraires à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. Et je me souviens même au tout début, lorsque on a commencé quand on est converti à l'islam, au tout début qu'on a commencé à connaître l'islam, on a rencontré des musulmans qui étaient nés musulmans mais qui connaissaient absolument rien de leur religion et absolument rien de l'islam et qui ne comprenaient rien non plus à la croyance de l'islam. Lorsqu'on leur disait par exemple la drogue, l'alcool et des trucs de ce genre et le porc sont des choses haram dans l'islam, eux ils répondaient en disant par exemple, mais si c'était haram, pourquoi Allah l'a créé le porc? Et si c'est haram, pourquoi Allah a créé par exemple des choses comme la marijuana ou des choses de ce genre, ou l'alcool? Si c'était vraiment haram, Allah n'aurait pas créé ces choses-là. Hein? Comme s'ils essaient d'utiliser comme prétexte l'existence de ces choses-là, hein, et le fait qu'Allah les a créées, pour essayer de justifier que ces choses-là sont permises. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créées pour nous mettre à l'épreuve et pour nous tester, et pour une grande sagesse. Et c'est pas parce qu'il a créé qu'il faut croire que ces choses-là sont halal, hein. Donc cet argument de cette personne, c'est totalement absurde et ridicule en fait. Contraire à la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique, il dit que donc pour eux cette parole, quand ils disent si Allah aurait voulu on n'aurait pas fait le shirk, ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ce qu'ils font. Et j'ai parlé de ça dans un texte que j'ai écrit pour réfuter Tariq Ramadan sur certaines paroles qu'il dit dans ses conférences au sujet justement du fait qu'il y a différentes religions et qu'il y a des juifs et qu'il y a des chrétiens, hein, et d'autres religions, des bouddhistes et tout. Et lui, il mentionne ça et il dit, ça c'est la volonté d'Allah et il faut accepter il faut accepter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'y soumettre à ça et être satisfait de ça. Hein, du fait qu'elles existent, ces religions-là, et donc c'est la preuve que ça fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certain que ces choses-là, Allah les a voulues, mais il nous les a interdites dans sa révélation, et il nous a interdit de nous diviser en groupes, en sectes et en religions, il nous a interdit de commettre le shirk, il nous a interdit de faire le kufr, il nous a interdit de nier ses messagers, et il a menacé ceux qui commettent ce genre de péché-là de l'enfer, hein, et il a promis ceux qui s'accrochaient au tawhid et à la religion des messagers et aux prophètes, il leur a promis le paradis et il leur a ordonné de suivre la voie du tawhid et de la religion des messagers. Donc, d'utiliser le fait que ces choses-là existent comme une preuve pour montrer ou pour prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces choses-là, c'est comme d'essayer de justifier nos péchés en utilisant la prédestination comme argument. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une des voies parmi les voies des gens de la jahiliya, et non une des voies parmi les voies des gens qui suivent l'islam et les messagers. Donc, le cheikh, c'est exactement ça ce qu'il explique ici. Donc, il dit, « Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Et, masha'Allah, tabarakallah. Donc, le cheikh, il dit, il prétend que ce qu'ils font, c'est voulu par Allah, et Allah est satisfait de ce qui arrive, donc de ces choses-là. Et ils disent également que si Allah n'était pas satisfait, il ne nous aurait pas laissé le faire. Hein? Donc, ils croient en la prédestination, ceux-là. C'est pas comme les premiers qu'on a mentionnés tout à l'heure qui nient la prédestination. Ils croient en la prédestination, sauf qu'ils l'utilisent comme un argument pour essayer de justifier leur mécréance. Et il y en a qui vont même jusqu'à l'extrême de cette idée-là, et qui vont même jusqu'à dire, hein, que c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et ils disent que, puisque Allah l'a voulu, donc c'est d'obéir à cette volonté-là, et de s'y soumettre, ça c'est une chose que Allah aime, et donc c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on a obéi à cette obéissance-là. Donc imaginez l'égarement de ces gens-là. Et on a comme ça, dans les pays musulmans, parmi les soufis, parmi les groupes de soufis, lorsque les koufars occidentaux sont rentrés dans les pays musulmans, par exemple les chrétiens, les juifs et les autres, quand ils sont venus coloniser les pays musulmans, certains d'entre eux ont dit, ça c'est par la volonté d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé ces gens-là, et ils ont plus de force que nous, donc il faut se soumettre à la volonté d'Allah et obéir à ces gens-là, hein, parce que ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'exemple de la mauvaise croyance et de la mauvaise compréhension de ce que signifie la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que quelque chose se produit ou quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala permet à cette chose de se produire dans l'univers, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose, et ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de cette chose-là. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala permet à cette chose-là d'exister, et en même temps il la déteste. Et en même temps il la déteste. Mais la raison pour laquelle il permet à cette chose-là d'exister, c'est pour mettre les croyants à l'épreuve. Ok? De la même manière, pourquoi Allah a créé le shaitan, c'est pour la même chose. C'est pour une sagesse, pour tester les hommes. S'il n'y avait pas de shaitan, hein, comment on pourrait distinguer entre ceux qui aiment la vérité et ceux qui aiment le mensonge? Comment on pourrait distinguer entre ceux qui aiment le bien et ceux qui aiment le mal, hein? On ne pourrait pas distinguer puisqu'il n'y aurait pas, Yanni, cette opposition-là à la vérité. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça, comme le cheikh, il l'explique, pour faire cette distinction. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, « فَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الْإِحْتِجَاجُ بِالْقَدَرِ عَلَى فِعْلِهِمُ الْقَبِيحِ وَأَنَّ اللَّهَ شَاءَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْجَبْرِيَّةِ حَيْثُ أَثْبَتُوا الْقَدَرُ وَاحْتَجُّوا بِهِ عَلَى اسْتِحْسَانِ أَفْعَالِهِمُ الْقَبِيحَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ الْعَبْدُ مُجْبَرُ على أفعاله فهم ورثة أهل الجاهلية في هذا. Le cheikh il dit, dans la deuxième position, il y a les gens qui prennent le qadar, donc ces gens-là qu'on vient de mentionner maintenant, de cette deuxième explication-là, par rapport à ces versets-là qu'on a mentionnés, c'est ceux qui utilisent le qadar, la prédestination, comme argument pour qu'est-ce qu'ils font comme mauvaise action ou choses qui sont laides, hein. Et ils utilisent le fait que Allah a voulu, hein, que ces choses-là se produisent comme argument pour justifier ces actes-là. Donc ça c'est la position de la secte qu'on appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya. Mu'tazila, on a mentionné les premiers c'était les Mu'tazila, ceux qui nient la prédestination, ou bien on les appelle aussi Al-Qadariya. Al-Qadariya parce qu'ils nient la prédestination. Ceux-là, c'est Al-Jabriya. Eux, ils affirment la prédestination, mais ils l'affirment de façon exagérée. Hein? C'est-à-dire, ils l'affirment au point de l'utiliser comme excuse, et comme prétexte, et comme argument. Et pour nier la volonté même de l'individu, hein? Et son choix à lui. Donc, ils disent, si tu fais quelque chose, t'es forcé, t'as pas de volonté ou de choix. Hein, qu'est-ce que tu fais? T'es comme une feuille qui flotte dans le vent, ou une plume qui est poussée par le vent, à gauche et à droite. Tu choisis pas. Si tu tues quelqu'un, ce n'est pas toi qui as voulu le faire. Ça s'est fait par la volonté d'Allah, et toi t'es soumis à ça. T'as pas de volonté à toi-même. Donc si quelqu'un, par exemple, hein, si quelqu'un allait voir un de ces gens-là parmi les Jabri, hein, comme par exemple vous allez voir Tariq Ramadan, et puis vous allez lui donner un coup de poing ou quelque chose comme ça, après, s'il vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Tu dis, ben, Allah, il a voulu. Hein? Tu dis qu'il faut respecter la volonté d'Allah. Hein? Exactement, barakallahu fik. C'est comme la parole de Omar ibn Khattab. Hein? Lorsque, par exemple, ils ont attrapé quelqu'un qui avait volé. Et la personne qui avait volé, elle a dit, Omar, moi j'ai volé, c'est par la volonté d'Allah. Et Omar radiallahu anhu lui a répondu, il a dit, mais moi je vais te couper la main par la volonté d'Allah. Puisque c'est ça la punition qui a été établie pour ce genre de crime. Donc ça c'est l'exemple. pour répondre à ceux qui prétendent utiliser ça comme un argument. Ok? Et حيث أثبتوا القدر واحتجوا به على استحسان أفعالهم القبيحة. Ils disent que le serviteur, il n'a pas de volonté, il est forcé, contraint à faire ce qu'il fait comme action, et ça, ils l'ont hérité des gens de la jahiliya. فالآية تدل على أحد معنيين إما نفي القدر وإما إثبات القدر والاحتجاج به على الله سبحانه وتعالى. فرد الله عليهم بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أي ما هي الحجة على القول وهو أن الله لم يشاء هذا الكفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit, donc ce verset, ces versets qu'on a mentionnés, ils indiquent et ils prouvent une de ces deux significations-là. Soit la négation de la prédestination ou l'affirmation de la prédestination en l'utilisant comme un argument contre Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté ces arguments des mushrikin, ces shubuhat, déjà de la jahiliya, dans le verset 148 dans surat al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis au Muhammad à ces mushrikin, à ces gens, hein, est-ce que vous avez une science quelconque que vous pouvez sortir pour nous montrer quoi que ce soit de science que vous avez pour justifier ce que vous dites comme argument? Mais il y a le hujja, c'est quoi la preuve de ce que vous prétendez que Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa anna Allah lam yasha' hadha al-kufr. Qu'est-ce que vous avez comme argument pour prouver que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, vous n'auriez pas fait ce shirk ou ce kufr, ou que cette mécréance que vous faites, Allah ne l'a pas voulu, ou des choses de ce genre. D'utiliser le qadar comme un argument. وعلى التفسير الثاني ما هي الحجة على أن الله رضي لكم هذه الأفعال. Donc c'est ça. Selon la première interprétation qu'on a donnée, ils utilisent la prédestination comme en voulant dire que si on fait le shirk, c'est la preuve que si on a fait le shirk, c'est la preuve que Allah n'a rien prédestiné. Car si il y avait une prédestination, il ne nous aurait pas laissé faire ce genre de shirk. Ça, c'était la première explication. Donc, pour répondre à cette première explication-là, selon cette première compréhension du verset, le cheikh il dit, ok, que Allah subhanahu wa ta'ala, certes, il n'y a pas de doute que c'est lui qui l'a prédestiné, parce que tout ce qui se produit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, hein, et est-ce que vous avez une preuve pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu cette chose, hein, que ça sort de sa volonté? Et selon la deuxième explication, c'est justement, quelle est votre preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait du shirk que vous faites, hein? Wa hadha al-kufr, wa hadha al-shirk, wa hadha al-fawahish. ما هي الحجة على أن الله رضي لكم هذه الأفعال؟ ما دليلكم أن الله رضيها؟ أين الدليل؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن يتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة منه سبحانه وتعالى، ويعلم من يستحق الهداية ويعلم من لا يستحق الهداية، فلا يضع الهداية إلا في موضعها الصحيح اللائق به. ورد عليهم بأنه لو كان راضيا بأفعالهم لما بعث الرسل بإنكار الشرك والأمر بالتوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان راضيا بعبادة الطاغوت وراضيا بالكفر والشرك على زعمكم، لما أنزل الله الرسل أو لما أنزل الله الرسل تنهى عن ذلك، فدل على أنه لا يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات بل يبغضها ويكرها سبحانه وتعالى. Donc le cheikh ici il dit que selon la, comme je disais, selon la deuxième explication du verset dont on a dont on parle, la deuxième explication des versets qu'on a mentionnés, on dit quelle est votre preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait de ces actions-là que vous faites, soit le kufr ou le shirk ou les turpitudes que vous commettez. Quelle est votre preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ces choses-là? Quelle est votre preuve, hein? Comme par exemple, ceux qui ont dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait qu'il y ait différentes religions et différentes croyances et que ça fait partie de, yani, du fait que Allah, le fait que ces choses-là existent, ça prouve que Allah est satisfait de ces choses-là et qu'il accepte ces choses-là et qu'il aime ces choses-là. Non, hein? La preuve, c'est quoi la preuve qu'il aime ces choses-là? Eux, ils mentionnent les versets qui disent, par exemple, لو شاء الله ولو شاء لهداكم أجمعين. Si Allah aurait voulu, il vous aurait tous guidés. Hein? Donc, ils mentionnent ce verset-là comme preuve pour dire, ça c'est la preuve qu'il a voulu qu'il y ait des gens qui sont égarés. Mais il ne le mentionne pas pour prouver uniquement la volonté d'Allah, mais il le mentionne pour essayer de justifier que Allah est satisfait de ça, et pour essayer de nous convaincre, nous, qu'on doit être satisfait de cette divergence, ou de cette division, ou de la présence ou l'existence de ces différentes sectes. Et ils utilisent ces versets-là comme argument pour essayer de justifier la diversité, hein, et le pluralisme d'idées, de croyances et de religions. Et ça, c'est dangereux, en fait, et c'est un grave égarement, hein, et c'est pour ça qu'il est important d'enseigner ou d'apprendre aux musulmans la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a au sujet de la prédestination et de la foi en la prédestination. Parce que ça peut amener beaucoup de gens à tomber dans des graves erreurs dans la croyance s'ils n'ont pas bien compris ces questions-là. Donc dans le verset 148, dans Surat Al-An'am, donc le chef il mentionne le verset 148-149 dans Surat Al-An'am, ainsi leurs prédécesseurs traitaient de mensonges les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? C'est-à-dire, avez-vous quelque science à faire sortir pour nous, à nous montrer? Vous ne suivez que la conjecture et vous ne faites que mentir. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de répondre aux mushrikin, de leur dire, vous ne faites que suivre avon, c'est-à-dire des suppositions, hein, des conjectures. Qu'est-ce que vous avez, des choses que vous imaginez dans vos esprits, vous n'avez aucune preuve réelle au sujet de ce que vous prétendez à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous ne faites que mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. In antum illa takhrusun. Et dans le verset 149, dit au Muhammad, à ses gens, l'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu, certainement, il vous aurait tous guidés sur le droit chemin. Donc ça, c'est des exemples de versets qui clarifient justement et qui réfutent ces gens-là. Après, le cheikh, il dit, Allah, c'est lui qui guide, et il guide qui il veut, et il égare qui il veut, selon sa sagesse, pour une sagesse qui vient de lui. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut et il égare qui il veut, selon une sagesse. Hein? C'est pas comme il n'y a pas d'injustice dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala détermine pour quelqu'un la guidance ou l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide et il égare selon sa sagesse. Et celui qui veut et qui cherche la guidance, Allah l'aide et il le met sous la guidance. Celui qui s'aveugle et qui s'obstine et qui s'entête à suivre la fausseté et le mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans son égarement. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et le cheikh il dit donc, il est juste, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et il sait qui mérite d'être guidé et qui ne mérite pas d'être guidé. Hein? Qui mérite la guidance et qui ne mérite pas la guidance. Donc il ne met la guidance que là où elle est bien placée. Il met la guidance uniquement à la bonne place, là où elle doit être. ورد عليهم يا الله سبحانه وتعالى les a réfutés en leur disant que s'il était satisfait de ce qu'ils font, s'il était satisfait de leur shirk, s'il était satisfait de leur kufr, s'il était satisfait de leur péché et de leur turpitude, il n'aurait pas envoyé de messager pour condamner le shirk et pour dénoncer le shirk, et pour ordonner aux hommes d'établir le tawhid. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve que ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est totalement faux. Puisque, si comme eux, ils prétendent que le fait que ces choses-là existent, c'est la preuve que Allah est satisfait de ces choses-là, alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour ordonner aux hommes d'établir le tawhid et d'interdire le shirk? Hein? Donc ça c'est la preuve que ce sont des menteurs. Le cheikh il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait de l'adoration du Tarut, il mentionne le verset 36 dans surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes fait susciter dans chaque nation, dans chaque peuple, un messager pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du Tarut. Et le Tarut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah était satisfait de l'adoration du Tawhid et qu'il était satisfait du kufr et du shirk, comme eux le prétendent, alors il n'aurait pas envoyé des messagers pour interdire aux hommes de commettre le shirk et le kufr. Et donc ça, hein, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais été satisfait du kufr et du shirk et des péchés et des choses qui sont en opposition avec sa religion. Et bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala les déteste. Et les condamne. D'accord? Donc ça c'est très, très important. وكذلك في سورة الزخرف رد عليهم بقوله ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وبقوله هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فهم يتقولون على الله ما لا يعلمون وهذه الأمور لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل من الشارع دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتمد فيها على العقول والأفكار والآراء. Donc le cheikh il dit que également dans sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 20, il a réfuté les paroles de ces gens-là lorsqu'ils prétendent que si Allah si l'Ansha Ar-Rahman ma abadnahu, si Allah aurait voulu, on ne les aurait pas adorés. Il leur répond en disant « Ma lahum bidhalika min ilm » Ils n'ont à ce sujet-là aucune science. « Innahum illa yakhrusun » Ils ne font que mentir et inventer des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Fahal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana » La surat al-An'am. Est-ce que vous avez à ce sujet-là une science quelconque que vous pourriez nous ramener, nous sortir, hein, nous montrer? Donc, ils inventent des paroles à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils disent ce qu'ils n'ont, au sujet d'Allah, ce dont ils n'ont aucune science. Et donc, ce genre de paroles, on n'a pas le droit de les prononcer ou de les dire, excepté avec une preuve venant du législateur, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une preuve venant du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on ne peut pas se baser dans ce genre de choses sur notre raison, notre intellect et nos pensées et nos idées et nos opinions personnelles. On ne peut pas se baser sur ce genre de choses dans des questions pareilles. Le cheikh il dit ensuite, الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدر عليهم بأن الله قدره عليهم. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il se base sur comme excuse pour la mécréance qu'ils commettent, ils se basent sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, et ils disent cette chose-là a été prédestinée pour nous par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le point numéro al-rabi'a wal-arba'oun, c'est-à-dire al-mas'alatu al-rabi'a wal-arba'oun, c'est-à-dire le point numéro 44. Le point qu'on vient juste de terminer, c'est le point 43. Ok, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit al-ihtijaj 'ala Allah bihi, c'est-à-dire d'utiliser un argument, utiliser Allah comme argument contre lui-même, utilise Allah comme argument contre lui, et donc ça c'est d'utiliser la prédestination d'Allah contre Allah, c'est ça que ça veut dire. الشيخ الفوزان يكتلك أي الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر وأنهم معذورون في كفرهم ومعاصيهم لأن الله قدر ذلك عليهم. Donc c'est à dire d'utiliser, comme on a dit, la prédestination comme argument contre Allah, et qu'ils sont excusés de leur mécréance et de leur péché parce que Allah a prédestiné ça pour eux. والله جل وعلا ما ترك لهم حجة بل إنه أعطاهم الاختيار وأعطاهم القدرة وأعطاهم المشيئة وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر وأعطاهم إمكانيات يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركوا وليسوا مجبورين على ما يقولون. وأيضا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بين أنه لا يرضى لعباده الكفر, قال تعالى والله لا يرضى لعباده الكفر وإن كان قدره وشاءه فليس من لازم القدر الرضا, فالله يقدر الكفر وهو يبغضه من أجل أن يتميز الناس بعضهم من بعض, ويتميز الصادق من الكاذب, ويتبين المؤمن من الكافر, ويتبين المنافق من المؤمن الصحيح, فالله قدر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه سبحانه وتعالى ما قدرها عبثا ورتب الجزاء على أفعالهم التي يفعلونها باختيارهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a laissé aucun argument. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a laissé aucun argument. Il leur a donné le choix, il leur a donné la capacité, la force physique, il leur a donné la volonté, il leur a expliqué le chemin vers le bien, et il leur a clarifié le chemin vers le mal, et il leur a donné toutes les possibilités et les capacités pour être capables de faire ce qu'ils font, ou de l'abandonner s'ils ne veulent pas le faire, hein. Et ils ne sont pas contraints ou forcés de dire ce qu'ils disent, et également Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il clarifie dans le Coran, qu'il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. Il dit dans le verset 7 dans Surat al-Zumar, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, وَلَا يَرْضَى, il n'est pas satisfait, لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, de la mécréance de son serviteur. Donc ça c'est la preuve que quelqu'un ne peut pas dire que Allah est satisfait que quelqu'un soit mécréant, puisque Allah il dit dans ce verset de façon explicite et claire qu'il n'est pas satisfait de la mécréance de son serviteur. Hein? Et donc le cheikh il dit que même si cette mécréance elle a été prédestinée par Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui l'a voulu, hein? Et c'est lui qui l'a voulu et c'est lui qui l'a prédestiné, ça ne veut pas dire que le fait que Allah l'ait prédestiné qu'il est satisfait de cette mécréance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la mécréance malgré qu'il la déteste. Il a prédestiné, il a voulu la mécréance de la part de certaines créatures, malgré qu'il la déteste. Hein? Et c'est dans le but de faire une distinction entre les hommes, pour distinguer certains hommes des autres, pour qu'il y ait une distinction entre le sincère et le menteur, entre le croyant et le mécréant, entre l'hypocrite et le vrai croyant. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ces choses qu'il déteste dans une sagesse pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne l'a pas prédestiné inutilement ou sans raison, ou sans sagesse, il l'a prédestiné et il a établi comme conséquence à ses actes qui sont à ses actes de mécréance ou de kufr ou de shirk, il a établi des rétributions selon les actions que les personnes vont faire de leur propre gré et par leur propre volonté et choix. Donc le cheikh il dit ولذلك المجنون والمعتوه والمكره والنائم لا يؤاخذون لأنهم ليس عندهم اختيار وليس عندهم عقل مهما فعل لا يؤاخذ فمن أعطاه الله العقل والتفكير ولم يكن مكرها على فعله فإنه يؤاخذ لأنه أقدم على الشر باختياره فالزاني يزني باختياره وتارك الصلاة يتركها باختياره وعنده القدرة أنه يقوم يصلي والزاني أيضا بين له أن الزنا حرام وعواقبه وخيمة ورتب الله على الزنا حدا رادعا وأرسل الرسل تنهى عن الشرك والكفر فكيف يحتجون على الله جل وعلا على معاصيه على معاصيهم وكفرهم وشركهم وضلالهم وهم ليس لهم حجة على الله وإنما الحجة لله عليهم قل فلله الحجة البالغة. Le cheikh explique que c'est pour cette raison, donc il dit, c'est pour cette raison-là qu'on peut faire une distinction, hein, et qu'on peut comprendre pourquoi les gens, quand ils deviennent fous, quand ils perdent la tête, ils perdent la raison, ils ne sont pas pris pour compte. Ils ne sont pas responsables pour les actes qu'ils commettent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de raison. Et non plus, si quelqu'un, par exemple, il est il y a un handicapé intellectuel, ou bien, par exemple, qu'il est contraint par quelqu'un de faire quelque chose, c'est-à-dire on le menace de le tuer s'il ne fait pas telle ou telle chose, ou bien la personne qui fait quelque chose ou qui dit quelque chose pendant son sommeil, la même chose, elle n'est pas prise pour compte, elle n'est pas responsable de ses actes quand elle les fait dans cet état-là. Donc c'est pourquoi, c'est parce que elle ne fait pas cette chose-là de façon volontaire, elle ne fait pas cette chose-là de son plein gré. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas de raison, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, et c'est pour cette raison-là que peu importe ce qu'ils vont faire, à ce moment-là, ils ne seront pas pris pour compte, ils ne seront pas responsables de ces actes-là. Donc, ça c'est la preuve que quand quelqu'un, par exemple, il fait un crime ou il fait quelque chose de mal, il est responsable, excepté s'il est fou ou s'il est contraint ou des choses de ce genre. Donc, quelqu'un ne peut pas utiliser l'argument de la prédestination pour justifier ce qu'il fait. Hein, puisque Allah nous a donné il nous a donné le choix et la volonté et la capacité. Si la prédestination était un argument pour nous, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas de différence entre nous et quelqu'un qui est fou et qui est contraint ou qui est déficient intellectuel ou qui est en train de dormir. Ce serait exactement la même chose, il n'y aurait pas de différence. Donc on ne pourrait pas justifier ça, on ne pourrait pas accepter ça. Hein? Celui qui vole, celui qui tue, celui qui ment, celui qui fait n'importe quel autre péché ou crime comme le zina ou autre, il aurait juste à dire « Ah mais c'est pas moi qui a voulu, j'ai été contraint à le faire par la volonté d'Allah ou par la prédestination d'Allah. » Et donc on devait le laisser aller, on devait le laisser on devait le libérer à cause de ça. Et ça bien entendu c'est ridicule. C'est contraire même à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الْعَقْلُ وَالتَّفْكِيرُ. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la raison et la pensée et qui n'est pas contraint de faire ce qu'il fait, alors lui il a des comptes à rendre et il sera pris pour compte pour ce qu'il a fait comme chose qui est haram ou qui est un crime. Pourquoi ? Parce que il a fait le mal qu'il a commis, il l'a fait de son propre gré. Donc celui qui commet le zina, il a fait le zina de son propre gré. Celui qui a abandonné la salat, il a abandonné la salat de son propre gré. Personne qui l'a forcé, il a choisi ça lui-même, hein, alors qu'il a la capacité de prier, hein, il a la capacité de prier, il peut se lever et faire sa salat, personne ne l'empêche, hein. De même que celui qui fait le zina, et à qui on lui a expliqué que le zina c'est haram, et que ses conséquences sont très très mauvaises, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme punition pour ce genre de crime et de péché, une punition qui est effrayante, hein, qui fait peur. Donc, tout ça c'est des exemples qui prouvent que ces individus-là sont responsables. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers pour interdire le shirk, pour interdire le kufr. Alors comment il pourrait essayer de justifier ses actes de péché, de shirk, de kufr et d'égarement en utilisant Allah subhanahu wa ta'ala comme argument et en utilisant la prédestination comme argument? وَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةَ عَلَى اللَّهِ. Ils n'ont aucun argument, hein, sur Allah subhanahu wa ta'ala ou contre Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, l'argument et la preuve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la possède, cet argument et cette preuve contre lui ou contre celui qui fait ce genre de péché-là. Et il mentionne le verset 149 dans sourate Al-An'am. قل فلله الحجة البالغة. دي أو محمد صلى الله عليه وسلم دي أسي مشتكين أسي جان دل جاهلية دي لور ستا الله كابرتين لارغمان ديسيزيف. Donc vous n'avez pas d'argument vous quand vous prétendez des choses de ce genre. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب. إذا أصابك مصيبة فلا تجزع وقل هذا قدر الله وما شاء فعل وتصبر وتحتسب. أما المعصية فلا تحتج أو فلا يحتج عليها بالقدر، بل على العاصي أن يتوب إلى الله وتجنب المعاصي والشرور. فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية. الشيخ الزي il n'est pas permis d'utiliser la prédestination comme excuse pour quelque chose, excepté dans les questions des malheurs qui nous atteignent. Si par exemple, quelqu'un a été frappé d'un malheur, soit un accident, soit la mort d'un proche, soit par exemple un tremblement de terre, comme c'est arrivé dernièrement en Haïti ou ailleurs, ou bien une tornade, ou un ouragan, ou une inondation, ou quelque chose de ce genre. Des choses comme ça, oui, tu dis « قدر الله ما شاء فعل » et tu fais preuve de patience et d'endurance, hein, et tu restes ferme dans ta voie parce que tu sais que c'est Allah qui a prédestiné ces choses-là. Oui, dans ces choses-là, tu utilises comme argument ou preuve ou comme argument la foi en la prédestination d'Allah pour justifier ta position de patience et d'endurance. Mais en ce qui concerne le péché, on n'a pas le droit de l'utiliser comme excuse ou comme prétexte pour continuer à faire le péché qu'on fait. La personne qui commet un péché, elle doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et faire tawbah. Elle doit pas dire « Ah, mais c'est Allah qui a voulu, donc je le fais, je continue. » Non, tu dois te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et t'écarter de ce genre de péché-là et de ce genre de mauvaises choses que tu fais. Et le fait de justifier ou d'essayer d'utiliser comme justification la prédestination pour faire le péché, ça fait partie des actes des gens de la jahiliya, des actes des gens de l'ignorance. Un autre point, là c'est le point numéro 45. Al-mas'alatu al-khamisatu wal-arba'un. Da'wahum at-tanaqud bayna shar'illahi wa qadarihi. C'est-à-dire qu'ils prétendent qu'il y a une contradiction entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ce qu'il a révélé comme révélation à ses messagers, et ce qu'il a prédestiné dans l'univers. Donc ils essaient de prétendre qu'il y a une opposition entre les deux ou une contradiction entre les deux. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Mu'aradatu shar'illahi biqadarihi » C'est-à-dire ils essaient de faire frapper l'une contre l'autre. Ils frappent la législation et la révélation contre la prédestination d'Allah pour essayer de faire que l'une oppose l'autre. ok. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce sujet là il dit هذه المسألة أيضا تتعلق بالقدر لأن هناك من يعارضون شرع الله بقدره ويقولون كيف يقدر الله الكفر والإيمان ثم يشرع لعباده الشرائع والأوامر والنواهي مع أنها لا فائدة منها إذا كانت الأمور مقضية ومقدرة فإن الناس يعتمدون على القدر الشيخ يكسبليك il pose la question ou l'argument de ces gens-là. Ces gens-là disent encore ça a un lien avec la prédestination comme tout à l'heure. Ils disent que ils disent que comment Allah subhanahu wa ta'ala peut prédestiner la mécréance et la foi et puis ensuite légiférer à ses serviteurs des règles, des lois, des ordres, des interdictions alors que ça ne sert à rien puisque les choses sont déjà prédestinées et déjà décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala et que donc dans ce cas-là les gens doivent uniquement se baser sur la prédestination hein donc ça c'est ce genre de shubha qu'ils utilisent hein de faire se dire pourquoi Allah ordonne et interdit et envoie des messagers avec des lois et des règles à suivre alors que la foi et la mécréance a déjà été prédestinée. Est-ce qu'on ne devrait pas juste se baser sur la prédestination et rester assis et on ne fait rien d'autre? Le cheikh il répond à ça. Il dit وهذه من أخطر مسائل الجاهلية ويتبعها كل من سلك هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر معارضة وهذا مذهب باطل فلا معارضة بين الشرع والقدر أبدا فالله قدر الشرك والمعاصي والكفر ونهى عن ذلك وشرع الإيمان والاستقامة والصلاح ولا معارضة بينهما لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم فالفعل منسوب إليهم ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات وإن كانت مقدرة من الله سبحانه وتعالى فإنهم يجازون على فعلهم لا على القدر يجازون على فعالهم لا على القدر le cheikh il explique il dit ça c'est une des questions parmi les questions de la jahiliya qui sont parmi les plus dangereuses hein et ceux qui suivent la voie des gens de la jahiliya ils continuent à suivre cette voie jusqu'au jour de la résurrection parmi ceux qui pensent qu'il y a une opposition entre qu'est-ce que Allah a révélé dans la révélation et dans la législation et la prédestination. Donc le cheikh il dit cette soi-disant ou cette supposée opposition qui existe entre les deux, ça c'est une voix ou une parole qui est totalement fausse. Parce que en réalité il n'y a aucune opposition entre la législation et la prédestination. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la mécréance et le shirk et le kufr et les péchés, mais il les a interdits en même temps, et il a révélé les lois, et il a légiféré la foi, la rectitude, et le fait d'être bon et d'être bien sur le droit chemin. Donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Pourquoi? Parce que les serviteurs, quand ils font quelque chose, ils le font de leur propre gré, et de leur propre volonté, et de leur propre choix à eux. Et l'acte qu'ils font, elle est attribuée à eux-mêmes. Hein? Et s'ils sont punis, ils sont punis pour les péchés qu'ils ont commis eux-mêmes. Et s'ils sont récompensés pour les bonnes œuvres qu'ils font, ils sont récompensés pour les actes qu'ils ont faits eux-mêmes. Hein? Même si ces actes ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les hommes sont uniquement récompensés ou punis selon ce qu'ils ont fait eux-mêmes et non selon la prédestination. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas quelqu'un par rapport à ce que Allah lui a prédestiné. Hein? Il le punit par rapport à ses actes. Hein? Donc, le cheikh il dit ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار فقالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالعبد يعمل من جانبه الخير ويتجنب الشر وأما القدر فهو سر الله سبحانه وتعالى لا تبحث فيه لأنه لا يعنيك ولن تصل إلى نتيجة. Donc le Cheikh explique ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ça à ses compagnons. Parce qu'il leur a mentionné, comme c'est mentionné dans un hadith qui est sahih, hein, un hadith qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, c'est un hadith sahih. Il a dit à ses compagnons, il n'y a aucun d'entre vous, excepté que sa chaise est déjà connue, soit dans le paradis ou dans l'enfer. Il a déjà sa chaise, dans le paradis ou dans l'enfer. Donc les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, si c'est le cas, hein, que notre place au paradis ou en enfer est déjà connue, hein, alors ne devrions-nous pas nous baser sur qu'est-ce qui a été écrit et abandonner les actions, hein, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est déjà écrit. Donc on abandonne les actions, on reste assis, on ne bouge plus, et on attend notre jugement ou notre mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il a dit, « I'malou », c'est-à-dire, faites les actions, faites vos œuvres, agissez, hein, parce que chacun sera facilité pour la chose pour laquelle il a été créé. Chacun, Allah va lui faciliter pour la chose pour laquelle il a été créé. Alors, Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait descendre le verset 5 à 10 dans surat Al-Layl. 5 à 10 dans surat Al-Layl. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque, donc en ce qui concerne celui qui a donné et qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a donné et qui a fait preuve de taqwa, et qui a cru en la bonne récompense, alors nous allons lui faciliter pour le bien. Et celui qui a été avare, hein, et qui s'est enflé d'orgueil, il croit qu'il se suffit à lui-même, et qui a traité de mensonge la bonne récompense, alors on va lui faciliter pour le mal. Hein. Tu fais le bien, Allah te facilite le bien. Tu fais le mal, Allah te facilite le mal. Tu as uniquement ce que tu mérites. Tu as uniquement ce que tu mérites. Et Allah, il n'est pas injuste, et il est le sage. Hein? Mais toi, tu vas être jugé pour quoi? Pas pour qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné seulement, mais par rapport à tes actes, par rapport à ce que tu as fait comme action. Et donc, le cheikh, il dit que, donc, le serviteur, de son côté, il doit juste se préoccuper de la chose suivante, c'est-à-dire de faire le bien et de s'éloigner du mal. Le reste, en ce qui concerne la prédestination, ça c'est le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'essaye pas de le découvrir ou de le comprendre ou de savoir qu'est-ce que ça signifie. Parce que ça ne te concerne pas de toute façon. C'est pas de tes affaires. Et même si tu essaies de comprendre, tu peux pas comprendre. Hein? Donc, même si tu te casses la tête pour essayer de philosopher sur ces questions-là, ou de comprendre comment ça fonctionne, tu vas pas arriver à un résultat. Alors, occupe-toi d'une chose, fais des actes que Allah t'a ordonné, éloigne-toi de ce qu'il t'a interdit. Et ça, c'est suffisant. Hein? Et il y a un point aussi qui est important à comprendre à ce sujet-là, c'est que toi, tu ignores ce qui va t'arriver dans 5 minutes. Tu ignores ce qui va t'arriver dans 1 heure. Tu ignores ce qui va t'arriver dans une journée ou dans un mois ou dans une semaine ou dans 1 an. Tu sais pas ce que Allah a écrit pour toi. Pour toi, tout ça, qu'est-ce qui est dans 5 minutes d'ici, ça fait partie du raid. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc pour toi, tout ça fait partie du raid, tu sais pas ce qui t'arrive plus tard. Mais une chose est certaine, et que toi tu connais, la chose que tu sais, c'est que Allah t'a ordonné de faire le bien, et il t'a interdit de faire le mal. Alors, quand tu as un choix à faire, fais le choix de choisir ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire, fais le bien et écarte-toi du mal dans les choix que tu à faire. Et si jamais tu tombes dans quelque chose de haram, si jamais tu tombes dans un péché, repentis-toi. Repends-toi et demande pardon à Allah pour ce péché-là. Donc dans les deux cas, Inch'Allah, tu es dans le bien. C'est-à-dire, tu as choisi de faire le bien, si tu es écarté du mal, tu es dans le bien. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le mauvais choix, tu es tombé dans le péché, et tu t'es repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as encore une fois, tu es encore dans le bien. Celui qui est dans le mal, c'est qui? C'est celui qui a choisi la désobéissance d'Allah et le péché, et qui ne s'est pas repenti, et qui persiste dans cette voie. Hein? نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit ensuite وقد تلخص من هذه المسائل أن الناس في القدر مع الشرع انقسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول من يثبت القدر وينفي الشرع وهم الجبرية. القسم الثاني من يثبت الشرع وينفي القدر وهم القدرية. والقسم الثالث من يثبت الشرع والقدر ويزعم أن بينهما تناقضا وهم المشركون. والقسم الرابع من يثبت الشرع والقدر وينفي عنهما التناقض وهم أهل السنة والجماعة. الشيخ explique. Il dit que on peut résumer toutes les questions dont on a parlé aujourd'hui et dans le cours passé au sujet de la prédestination, et les gens, selon leur position face à la prédestination et à la révélation et à la législation d'Allah, on peut les catégoriser en quatre catégories. On peut les classer en quatre catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui ont affirmé la prédestination mais qui ont nié la révélation et la législation. Donc ceux-là sont les Jabriya, ceux qui disent que tout ce qu'on fait, on est forcé de le faire, on n'a pas de liberté. Donc ils ont détruit et annulé la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, si on ne prie pas, c'est Allah qui a voulu, on ne prie pas. Si on fait le zina, c'est Allah qui a voulu, donc on fait le zina. Si on boit de l'alcool, c'est Allah qui a voulu, donc on boit de l'alcool. Et ceux qui croient en cette aqida, c'est les Jabriya. Et parmi ceux qui sont classés parmi les Jabriya, il y a certains extrémistes parmi les soufis, ceux qui croient à Wahdatul Wujud, des choses de ce genre, et ils ne font pas de distinction entre le Créateur et la Création, donc pour eux, tout est Allah. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de pur, il n'y a pas d'impur, tout est pareil, tout est équivalent. Et donc ceux-là sont dans l'égarement total. Et ceux-là, ils prétendent que quand un soufi atteint un degré très très très élevé dans le soufisme, et qu'il atteint l'extase, il devient un avec Allah, il ne fait plus de différence entre le Créateur et la créature ou entre les choses. Il voit que tout est pareil. Donc, il peut faire ce qu'il veut, il voit ce qu'il veut, et donc ils vont dire, ah, c'est parce que il a atteint tel tel degré de spiritualité, donc il peut faire ce qu'il veut maintenant. Il ne distingue plus entre le bien et le mal. Et donc il va faire le zina, il va boire de l'alcool, il ne fait pas la prière, il ne se purifie pas, il dit « Ah mais ça c'est un wali parmi les awliya d'Allah ». Ça c'est grave, c'est l'égarement ça. Donc ça, il y a ces gens-là qui croient en ça, et il y a également les jahmiya qui croient en ça aussi. Et certains groupes aussi d'égarement qui ont cette aqidah-là, qui nient la volonté de l'individu et sa capacité à choisir les choses entre le bien et le mal. La deuxième catégorie, c'est ceux qui affirment la législation et la loi d'Allah, mais qui nient la prédestination. Et ceux-là sont Al-Qadariya. Ils disent que Allah n'a rien de prédestiné. On est libre et indépendant par rapport à ce qu'on fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a quelque chose qui se produit, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, si c'est par rapport au kufr, au shirk, au bien ou au mal. On choisit ça nous-mêmes, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, ils ont cru en la législation, ils savent qu'il y a des choses halal et haram, et qu'il faut suivre les ordres d'Allah et s'écarter du haram, sauf qu'ils disent que c'est pas prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les qadariya, ceux qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, c'est ceux qui affirment la législation d'Allah et la prédestination, mais qui prétendent que entre les deux, il y a une contradiction. Donc, ça c'est l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure. Hein, comment ça se fait que Allah a prédestiné la croyance, la mécréance et le shirk et le kufr. Hein, il a créé des choses qui sont mauvaises, comme par exemple, comme on a dit au tout début, l'alcool, la drogue, hein, le porc, ces choses-là qui existent. Puis, comment ça se fait que ces choses-là existent, puis après Allah il les interdit. Il pense que ça c'est contradictoire. Hein? Comme qu'est-ce que je vous disais au début. Ceux qui disaient par exemple, si Allah aurait interdit ces choses-là, il les aurait pas créées. Si Allah avait interdit le porc, pourquoi il a créé le porc? C'est la preuve que le porc est halal. Parce qu'Allah l'a créé. Et le fait que ça existe, alors c'est bon. Hein? On a le droit de le manger. Ceux-là, le cheikh, il les a appelés, il dit ce sont les mouchrikoun. Mouchrikoun, ouais. En fait, non, il ne le nie pas. Il l'affirme, mais ils font que, il essaie de faire croire qu'il y a une opposition entre les deux. Tu comprends? Donc ça, c'est al-mouchrikoun. Al-mouchrikoun. Donc, ça c'est la troisième catégorie. Et il y a la quatrième catégorie, c'est ceux qui affirment la législation d'Allah et la prédestination d'Allah, mais qui nient la contradiction. Ils disent non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait certaines choses qui sont en opposition avec ce qu'il aime pour une sagesse. Et il n'y a pas de contradiction entre le fait que ces choses-là existent et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a interdites. Hein? Et donc ceux-là sont Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ce sont les gens qui sont sur la position de vérité à ce sujet-là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ces choses et il les a interdites dans la législation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction entre les deux. D'accord? Donc on va passer maintenant à l'autre point, al-mas'alatu s-salisa wal-arba'un. Le point c'est quoi? C'est le point 46. Et le cheikh il dit نسبتهم الحوادث إلى الدهر ومثبتهم له. C'est-à-dire que ils attribuent les événements qui se produisent dans l'univers au temps et ils l'insultent. Ils insultent le temps pour qu'est-ce qui se produit. Donc le cheikh il donne des exemples. Le cheikh il dit مثبتوا الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. Donc ils insultent le temps et ils disent s'il y a quelque chose qui nous fait périr, c'est uniquement le temps. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre qui nous fait périr excepté le temps. Et ça c'est dans Surat al-Jathiya, le verset 24. Le Cheikh explique, le Cheikh al-Fawzan il explique ça. الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهرية وذلك أنهم إذا حل بهم مكروه فإنهم ينسبونه إلى الدهر ويذمون الدهر من أجل ذلك والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق سبحانه وتعالى والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات الله ليس عنده تصرف وقد أنكر الله سبحانه وتعالى عمل على من يسند الحوادث إلى الدهر بقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر لأن هذا إنكار للآخرة وإنكار للبعث نموت ونحيا يموت ناس ويحيا ناس يقولون رحم تدفع وأرض تبلع يقولون هذه طبيعة الحياة وما يهلكنا إلا الدهر ينسبون الهلاك إلى الدهر فسبب الموت عندهم مرور الليالي والأيام مرور الليالي والأيام وليس هناك آجال مقدرة ولا هناك ملك يقبض الأرواح عند انتهاء أجالها. الشيخ explique que il dit que ceux qui affirment que tout ce qui se produit dans l'univers c'est le temps qui le contrôle et c'est le temps qui le fait, alors ça on les appelle al-dahriya, ces gens-là on les appelle al-dahriya. Et ceux-là ils ressemblent plus à ceux qui existent aujourd'hui qu'on les appelle les athées, hein, qui nient qu'il y a un créateur qui contrôle qu'est-ce qui se produit dans cet univers. Donc ceux-là sont ce qu'on appelle al-dahriya, ceux qui disent que tout ce qui se passe c'est la nature qui le fait, c'est la nature qui contrôle l'univers, hein, etc. Que le monde est créé par hasard et que tout ce qui se passe c'est la nature qui fait les choses. Ouais, la même chose aussi, ceux qui, bon, quelqu'un qui dit le temps arrange les choses, ça peut rentrer là-dedans aussi, puisque c'est pas le temps qui arrange les choses, bien entendu, hein. Mais c'est sûr que des fois quand on fait preuve de patience et qu'on donne du temps, hein, aux choses de s'arranger, si on fait les bonnes, on prend les bons moyens, puis on fait les causes nécessaires, les choses peuvent s'arranger. Mais c'est pas le temps, hein, lui-même qui fait que les choses s'arrangent. Donc ça peut rentrer là-dedans. Après le chef, donc le chef il dit, ceux-là sont les dahriyas, hein. Et c'est comme s'ils attribuaient à la nature une certaine force, hein, et qu'elle se contrôle par elle-même et qu'elle s'organise d'elle-même et que la nature elle fait elle-même les choses. Donc quand il y a quelque chose de mal qui t'arrive, hein, si quelque chose de mal t'arrive, ils disent ça c'est le temps, et ils blâment le temps, et même ils insultent le temps, hein. Les gens parfois ils sortent dehors, ils voient qu'il pleut, ils voient qu'il y a de la neige ou des choses de ce genre, ils disent ah, le temps est maudit, hein, ils insultent le temps, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la température et qui contrôle le vent et qui contrôle la pluie et qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers de cette façon. Donc d'attribuer, d'insulter la nature ou le temps ou des choses comme ça, ça c'est en réalité indirectement on insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Et il dit qu'est-ce qui est obligatoire, c'est d'affirmer, d'attribuer ces choses-là au Créateur, parce que c'est le Créateur qui contrôle ces choses-là. Et le temps c'est uniquement une chose qui est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le temps c'est une période qui est créée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a aucun contrôle sur ce qui se produit dans le monde. Ok? Le temps c'est quoi? Le temps c'est les choses qui changent, hein? Le temps c'est les choses qui bougent. Le temps c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que les jours passent, hein? Le soleil se lève et il se couche. Et la lune apparaît, puis elle disparaît, hein. Tous ces mouvements qui se produisent, eh ben, c'est ça qui nous fait, c'est ça le temps pour nous. C'est ça qui représente pour nous le temps. Et tout ça, c'est Allah qui le crée. Et tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le prédestine et qui l'ordonne et qui le contrôle. Donc, on n'a pas le droit d'attribuer le contrôle de l'univers à ces choses-là elles-mêmes, puisqu'elles sont inertes. N'ont aucune volonté, aucun pouvoir en elles-mêmes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle. Donc, on n'a pas le droit d'attribuer les choses qui se produisent dans l'univers au temps. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, le cheikh, il mentionne le verset 24 dans Surat al-Jathiyah, qui mentionne qu'est-ce que les mouchriquins ont dit, qu'est-ce que les kuffars ont dit. Ils disent, il n'y a que cette vie d'ici-bas pour nous. Nous mourons et nous vivons, et rien ne nous fait périr excepté le temps. Et ça, cette parole que les gens disaient à l'époque, c'est exactement la même chose que ces gens-là sont en train de dire aujourd'hui. Ils disent, il n'y a rien d'autre que cette vie d'ici-bas. On vit, on meurt et on vit. Hein, il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent. Il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps. C'est ça que ces gens-là disent encore aujourd'hui maintenant. Les athées, les kuffars, c'est ce qu'ils prétendent. لأن هذا إنكار للآخرة ça c'est une négation de qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà. Et c'est une négation de la résurrection à la fin des temps. Namut wa nahya. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Hein? Et comme ils disent, donc, il y a des bébés qui naissent et la terre, elle, avale les autres. Comme si, c'est comme une sorte de, une chaîne, un cycle. Hein? C'est comme un cycle qui se poursuit à l'infini. Hein? Des choses qui se créent, des choses qui se détruisent. Et c'est ainsi éternellement. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui croient en l'éternité de la matière. Dans le sens que, ils prétendent qu'il n'y a pas de début à l'univers et il n'y a pas de fin. La matière est éternelle, elle ne fait que se transformer. Et ça, ça ressemble un peu aux lois des physiciens, des kuffars et qui ont inventé parmi la théorie d'Einstein, hein, quand ils disent que rien ne se perd, rien ne se crée, Lavoisier, ou bien l'énergie, ça devient de la matière devient de l'énergie, mais qu'il n'y a rien qui peut se détruire, hein, il n'y a rien qui peut se créer. Hein. Ça c'est par rapport à nous les êtres humains, on ne peut rien créer et on ne peut rien détruire par rapport à la matière. Ça se transforme seulement, mais pour Allah c'est faux. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il peut créer comme il veut la matière. Et il peut détruire comme il veut la matière. Et c'est lui qui a tout créé cet univers à partir de rien. Hein? Il a dit soit, et cette chose fut. Donc, il faut bien comprendre, hein, que la nature ou l'univers, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose qui est apparu tout par elle-même, tout seul, ou qui a toujours existé éternellement. Hein? Comme certains parmi les kuffars le prétendent. Le chef, il dit ensuite, donc, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent c'est la nature de la vie, les choses sont comme ça, il y en a qui disent ça, c'est la vie, comme ça, ils n'ont pas d'autre explication, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, c'est la vie, c'est comme ça, non c'est pas parce que c'est la vie, c'est Allah qui a créé ça comme ça, et c'est lui qui contrôle les choses et qui veut que ce soit de cette manière. Et eux, les mouchilkoun, ils disaient, wa ma yuhlikuna illa dahr. Ils attribuent le fait qu'on meurt et qu'on périsse, ils attribuent ça au temps. Et le cheikh dit, donc pour eux, la cause de la mort, c'est quoi? C'est le temps, les nuits et les jours qui passent. C'est seulement ça pour eux qui les fait mourir. Il n'y a pas de terme prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et il n'y a pas non plus d'ange de la mort qui vient enlever ton âme au moment où Allah subhanahu wa ta'ala avait prédéterminé que ta vie arrivait à son terme. Ok? Après le cheikh il dit, وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ فَقَالَ لَا تَسُبُّ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرِ يعني أن الله خالق الدهر وأن ما يجري في الدهر هو بتقدير الله وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر بين يدي الأمر أقلب الليل والنهار فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق الدهر سبحانه وتعالى وهذا مما يؤذي الرب سبحانه وتعالى لأن الذم يقع على الله لأنه مصرف الأمور ومقدر الآجال والمصائب وكل شيء أما الدهر فإنه زمان مخلوق لله جل وعلا. Le Cheikh explique, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'insulter le temps. Et il mentionne dans un hadith qui est mentionné dans Sahih al-Bukhari et qui est rapporté par Muslim. En fait, Al-Bukhari, il a intitulé un des chapitres de son livre dans son Sahih par ce titre-là, le chapitre N'insultez pas le temps, et wa akhraja fihi al-hadith al-tali, il a mentionné le hadith suivant qu'on a mentionné, wa al-Bukhari wa l'imam Muslim, il a mentionné le hadith aussi, le même hadith qui dit N'insultez pas le temps, car Allah, certes, c'est lui le temps. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, c'est-à-dire que Allah est le créateur du temps. et que ce qui se produit dans le temps, ça se produit par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la prédétermination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est mentionné dans un autre hadith qui est un hadith Qudsi, qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, que yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur m'offense, il insulte le temps, c'est-à-dire le fils d'Adam, il m'offense, il insulte le temps, alors que je suis le temps, et le commandement est entre mes mains, et c'est moi qui fais tourner, ou qui fais changer le jour, et la nuit et le jour. C'est moi qui fais changer la nuit et le jour. Donc ça veut dire, quand le serviteur insulte le temps, en réalité il est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui a le commandement, c'est lui qui a l'ordre, et c'est lui qui fait que le jour et la nuit se succèdent. C'est lui qui contrôle ça. Donc le cheikh il dit, si tu insultes le temps, alors en réalité tu as insulté le créateur du temps, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui offensent le créateur et le seigneur des mondes, c'est justement que tu insultes le temps que lui-même est en train de contrôler. Parce que l'insulte et le blâme revient à qui? Il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui contrôle les choses. Et c'est lui qui prédétermine les limites et les temps de vie de chacun. Et les malheurs qui arrivent dans l'univers, hein, que ce soit le chaud, la chaleur ou le froid, l'hiver, ou la neige, ou la pluie, ou les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, ou peu importe qu'est-ce qui peut se produire dans la création, ou comme les koufars le disent, dans la nature. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné. Donc le cheikh il dit donc, Allah contrôle toutes choses. En ce qui concerne le temps, donc, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et donc, on n'a pas le droit de l'insulter, puisque c'est Allah qui le contrôle. فَيَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَجْتَنِبُوا فيجب على المسلمين أن يجتنبوا هذا وإذا أصابهم شيء فإنهم يحاسبون أنفسهم ويعترفون بذنوبهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فينبغي أن يذم الإنسان نفسه ويلومها ولا يذم الدهر. Le chef dit que c'est obligatoire pour les musulmans de s'éloigner, de s'écarter de ce genre de paroles et d'insultes du temps. Et lorsqu'un malheur les touche, ils doivent se remettre en question eux-mêmes et se demander des comptes à eux-mêmes. Et ils doivent reconnaître leurs fautes et leurs péchés lorsque ce malheur-là leur arrive. Et comme Allah il le mentionne dans le verset 30, dans Surah Shura, nul malheur ne vous atteint, ou si un malheur vous atteint, c'est à cause de ce que vos propres mains ont acquis. Hein? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Donc si un malheur quelconque vous a atteint, alors sachez que c'est parce que, à cause de ce que vos mains ont acquis. Et donc c'est obligatoire pour un individu, hein, de se blâmer lui-même, hein, de se blâmer lui-même et non pas de blâmer le temps, d'accord? Donc ça c'est très important de comprendre tout ça, sinon on peut s'arrêter ici si vous voulez, ou bien sinon on continue un autre point encore, il y a un point qui n'est pas long, donc on va faire ce point-là puis on arrête, je ne sais pas si on a le temps. Jusqu'à 7h. 15 minutes, ok. Donc on va faire le prochain point. Al-mas'alatu al-sabi'a wal-arba'un. Le point numéro 47. Kufruhum bi ni'amillah. C'est-à-dire, le fait qu'ils sont, disons qu'ils renient les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font preuve d'ingratitude. Idafatu ni'amillah ila ghayrihi. Kaqawlihi. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Ça c'est d'attribuer à autre que Allah subhanahu wa ta'ala les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Comme dans le verset 83 dans surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils reconnaissent les grâces d'Allah, puis ils les renient. Ils la renient par la suite. Ils reconnaissent la grâce d'Allah, puis ils la renient. إضافة النعم شيخ الفوزان الذي إضافة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى شرك بالله وكفر به وهو من عمل أهل الجاهلية قال الله تعالى فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون قيل معنى الآية يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته ثم ينكرون ذلك عنادا واستكبارا مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يعرفون نعمة الله بإرسال الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكبر نعمة على البشرية ثم يكفرون بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاندونه وهذا قول في تفسير الآية. Le Cheikh explique que le fait d'attribuer à autre que Allah subhanahu wa ta'ala la grâce, ça c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk et c'est une forme de kufr. Et ça fait partie des actes des gens de la jahiliya. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 83, dans surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils reconnaissent la grâce d'Allah, puis ils la renient. Et la plupart d'entre eux sont les mécréants. La signification de ce verset, selon ce que certains ulama de tafsir ont expliqué, c'est qu'ils reconnaissent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son message, puis par la suite ils le nient, par orgueil et par arrogance de leur part, par fierté. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 33, dans surat al-An'am, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. Il dit, nous savons que ce qu'ils disent, te remplit de tristesse, hein, au messager d'Allah. Allah il s'adresse au messager. Mais sache que ce n'est pas toi qu'il traite de mensonge, hein, ce n'est pas toi qu'il traite de menteur, mais les injustes renient les signes d'Allah. Les injustes renient les signes d'Allah. Donc c'est sûr que les mouchrikoun et les koufars savent, surtout ceux qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de honnête et de fiable. Et ils l'appelaient Al-Amin. Ils savaient qu'il ne mentait pas, qu'il disait la vérité. Mais, par orgueil, par fierté et par rejet des signes d'Allah, ils refusaient de le croire. Hein? Donc ce n'est pas par rapport, nécessairement par rapport à la personne qui vient leur dire la vérité, qu'ils refusent de l'accepter. Mais ils refusent de l'accepter parce que ça vient d'Allah. Et parce que c'est le haq. Et non pas parce que ça vient de toi. Hein? Donc, le Cheikh, il dit, فَهُمْ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ. Donc, ils reconnaissent, hein, la grâce d'Allah, du fait que Allah a envoyé un messager. Et le messager, c'est la plus grande des grâces d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour l'humanité. Puis, il la renie, il renie cette grâce, et il renie la foi en ce messager. Et il s'oppose à lui. Et ça, c'est une des l'explication de ce verset. والقول الثاني أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها في هذه السورة أي سورة النحل ثم ينكرونها بمعنى أنهم ينسبونها إلى غير الله وينسبونها إلى حولهم وقوتهم وكدهم وكسبهم كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي أي أنا حصلته بخبرتي ومهارتي وكسبي فيجحد نعمة الله عليه وكذلك غير قارون فالله جل وعلا ذكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه النعمة قال هذا لي أي هذا أستحقه وأنا محقوق به ليس لله وينسب ما يحصل عليه من الخير إلى نفسه وهذا لا يقول هذا بفضل الله وبرحمته. Donc la deuxième explication de ce verset, c'est qu'ils reconnaissent les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a mentionné dans cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Nahl, puis il les renie, dans le sens qu'il les attribue à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ok, et il les attribue à leur propre force ou leur propre capacité, hein, ou à leurs acquis, ou à qu'est-ce qu'ils ont fait comme effort. Comme par exemple Qarun, hein, Qarun, il a dit dans le verset, c'est mentionné dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 78, en surat al-Qasas, il dit « Innama utituhu ala ilmin indi » C'est-à-dire, toute cette richesse, cet argent que j'ai, c'est uniquement à cause d'une science que j'ai en moi-même. C'est grâce à cette science que j'ai pu obtenir cette grâce. Hein? Je l'ai eu à cause de ma connaissance, de ma maîtrise, de ce que j'ai comme connaissance dans ces domaines, ou dans telle ou telle chose. Donc, il renie la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, de même que d'autres personnes en dehors de Qarun, c'est pas seulement Qarun qui est comme ça. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont pareilles. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que, dans plusieurs versets, Allah il mentionne que lorsqu'il donne une grâce à un individu, hein, il lui donne une grâce, une ni'ma, cet individu, elle dit, ou il dit, ça c'est à moi, ça m'appartient, et je le mérite. Hein, c'est quelque chose que je mérite à cause de mes efforts, à cause de mon intelligence, à cause de X, hein, à cause de toutes sortes de choses comme ça. Ces gens-là, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est ah, ça, je l'ai mérité, je l'ai bien mérité. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé fort, parce que j'ai fait beaucoup d'exercice, parce que hein, quelqu'un il a une bonne note à l'examen. C'est ah, ça, je mérite cette note parce que j'ai étudié beaucoup, j'ai fait beaucoup de problèmes, j'ai fait beaucoup d'exercices pour vraiment bien comprendre, donc je le mérite. Il dit pas ça, c'est par la grâce d'Allah et c'est par sa miséricorde. Non. Il dit ça je le mérite, hein, c'est un bien et il m'appartient parce que je suis intelligent, parce que j'ai fait des efforts, parce que j'ai, etc., etc. Donc ça c'est pas correct d'avoir ce genre d'attitude-là et ça fait partie des caractéristiques des gens de la jahiliya. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, puis on continuera ça demain, bi-idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.